بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لوان جاء الله، que ses éloges et le salut soient sur le messager d'Allah, notre prophète Muhammad, ainsi que sur ses compagnons et ceux qui les auront suivis dans la bienfaisance jusqu'au jour dernier. Ceci dit, nous continuons, Inch'Allah, dans notre lecture de la conférence du Cheikh Abdullah ibn Abdelrahim al-Bukhari intitulée « Mahiya al-Salafiyya »« Qu'est-ce que la Salafiyya ?» Nous avions abordé plusieurs points. Et nous avons dit que les points qui allaient être abordés, qui ont été abordés par le Shir, sont donc premièrement le sens du mot salaf de manière linguistique. Nous avons vu également qui sont les salafs dans la terminologie religieuse, donc dans le sens religieux du terme salaf. Troisième point, certaines appellations religieuses attribuées aux salafs. Et là, donc, nous étions arrêtés et nous étions sur le point de commencer le quatrième point concernant le jugement religieux du suivi et de l'affiliation à salafiyya, à la voie donc salafite. Quel est donc le statut religieux de cette chose-là? Est-ce obligatoire? Est-ce simplement recommandé? C'est ce que nous allons voir, Inch'Allah. Donc le shir de dire, Hafidhahu Allah, qu'Allah le préserve, tout musulman s'orientant vers la Mecque pour prier Allah, Azza wa Jal, lit dans ses prières, qu'elles soient obligatoires ou non, la sourate de la Fatiha. Parmi les versets constituant cette sourate, il y a la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, « Ihdina al-sirat al-mustaqim »« Guide-nous dans la voie droite. » Ainsi, demande à Allah d'être guidé dans la voie droite. Mais quelle est cette voie droite à propos de qui nous demandons à Allah qu'il nous y guide? La réponse, nous dirons que les explications qu'ont apportées les gens de science à ce verset sont relativement proches. Et Abu al-Aliya al-Riyahi nous les a résumées. En effet, l'imam Ibn Jarir a rapporté dans son exégèse, avec une bonne chaîne de transmission, que Hamza ibn al-Mughira a dit: j'ai questionné Abu al-Aliya à propos de la parole d'Allah, Ihdina al-Sirat al-Mustaqim, guide-nous dans la voie droite. Et il a dit: c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ses deux compagnons qui les ont suivis, Abu Bakr et Omar. Il a dit: puis je suis allé voir Al-Hassan, c'est-à-dire Al-Hassan al-Basri, et l'en a informé. C'est-à-dire qu'il voulait son avis. Et il répondit: il a dit vrai et t'as été de bons conseils. Donc Abu al-Aliya a expliqué donc cette voie droite comme étant messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses deux compagnons qui l'ont suivi, à savoir Abu Bakr et Omar. Et cette explication-là a été confirmée par Al-Hassan al-Basri, rahimahullah. Donc si tu veux qu'Allah Azza wa Jal te guide sur la voie droite, accroche-toi à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à celle de ses compagnons, à leur tête les califes bien guidés et en premier lieu Abu Bakr et Omar. L'imam Ibn Qudama, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son livre Dhammu al-Ta'wil à ce propos: c'est parce qu'il est sur la voie droite que celui qui emprunte son chemin emprunte forcément cette voie droite. Il nous est donc obligatoire de le suivre, sallallahu alayhi wa sallam, et de s'arrêter là où il s'est arrêté, et de s'abstenir de parler à propos de ce sur quoi il s'est abstenu. Quant au shir de l'islam, Ibn al-Qayyim, il a dit dans Bada'i al-Fawa'id, la 20e question, donc après avoir abordé un certain nombre de points et de questions, et avoir répondu, il a dit, la 20e question: quelle est la voie droite? Et notre réponse sera courte, car les explications qui ont été données sont diverses. mais sa réalité est unique, la voici. La voie d'Allah qu'il a déterminée pour ses serviteurs par l'intermédiaire de ses messagers et qui leur donne accès à son agrément, c'est-à-dire qui donne accès à ses serviteurs, donc à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils n'ont de toute façon aucune autre voie si ce n'est elle. Plus encore, toutes les autres voies sont obstruées, sauf elle. Et cette voie-là, c'est l'affirmation de l'unicité d'Allah dans l'adoration et de ses messagers dans l'obéissance. Ainsi, l'unicité d'Allah est purifiée, de même que le suivi du messager. Il convient donc, pour celui qui, donc, en explication donc de cette parole d'Ibn al-Qayyim, celui qui veut atteindre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a qu'une voie pour cela. Et cette voie, c'est la voie de l'affirmation de l'unicité d'Allah, à savoir le tawhid, et le fait de purifier le tawhid de tout ce qui pourrait venir l'entacher ou l'annuler. De même que le fait de suivre uniquement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quel est donc, de manière résumée, le jugement religieux, donc à partir de cette parole d'Ibn Qayyim, sur le fait de suivre la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et celle de ses compagnons? La réponse, c'est que c'est obligatoire, sans aucun doute. Et les preuves à ce propos sont nombreuses dans le Coran et la Sunna, si seulement nous méditions. Ibn al-Qayyim y a même consacré un chapitre entier et très instructif dans son livre exceptionnel qui est I'lam al-Muwaqqi'in. Il y évoqua donc l'obligation de suivre les compagnons, radiyallahu anhum, qu'Allah les agrée, parmi les pieux prédécesseurs. Et je citerai ici certaines des preuves avancées parmi celles-ci. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Et si tous deux veulent te forcer à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de manière convenable. Donc il est en train de parler des parents. Mais reste avec eux ici de manière convenable et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi ensuite et votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Ibn al-Qayyim a dit, et cela démontre la grande compréhension qu'il avait de la religion, et il est en vérité octroyé qu'à ceux qui patientent. Tous les compagnons qu'Allah les agrée sont repentants vers Allah, Azza wa Jal. Il est donc impératif de suivre leur voie. Or, leurs paroles, actes et croyances en font partie à part entière. Et la preuve de ce que j'avance est qu'Allah les a guidés. Il veut dire à l'islam et au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, Allah dit « وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ » et il guide vers lui qui se repent. Donc en faisant le parallèle entre cette parole et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous avons mentionné plus tôt, nous rendons compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et je reviens donc au verset que je viens de citer juste avant, « وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْ » et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. Et dans la dernière parole, il a dit « وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ » et il guide vers lui qui se repent, c'est-à-dire quiconque retourne vers moi. Ce qui nous prouve donc qu'ils sont bien guidés et que nous devons donc les suivre. Également la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Dis, ceci est ma voix. J'appelle à Allah, moi et ceux qui me suivent. Gloire à Allah, et je ne suis pas du nombre des polythéistes. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit: Allah a donc informé que quiconque suit le messager sallallahu alayhi wa sallam appelle à Allah, et quiconque appelle à lui avec clairvoyance doit être suivi conformément à sa parole lorsqu'il mentionna à propos des djinns l'appel de certains d'entre eux à leur peuple, tout en l'agréant. Lorsqu'ils ont dit « Ya qawmana, ajibu da'i Allahi wa aminu bihi »« Ô notre peuple, répondez au prédicateur d'Allah et croyez en lui. » Et c'est parce que celui qui aura accompli cela aura appelé à la vérité, en transmettant les règles qu'Allah a fixées, qu'il aura appelé à son obéissance dans ce qu'il a ordonné et interdit. Les compagnons, qu'Allah les agrée, ont donc suivi le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Leur suivi nous est donc obligatoire, étant donné qu'ils ont appelé à Allah. Également, la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, toujours donc dans ce sens, pour citer donc les différentes preuves, parmi les très nombreuses preuves qui peuvent être mentionnées dans ce sujet, dans ce domaine, dans cette question, la parole d'Allah, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Et celui qui s'accroche à Allah a certes été guidé vers une voie droite. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit, l'argumentation par ce verset est la suivante. Allah a informé que ceux qui se sont accrochés à lui ont été guidés vers la vérité. Et celui qui s'accroche à Allah a certes été guidé vers une voie droite. Et que les compagnons se sont accrochés à lui. Or, nous affirmons qu'ils sont bien guidés et que leur suivi est donc obligatoire. Quand on dit donc accroché, bon, bien sûr c'est une traduction un peu plus qu'approximative. C'est le fait donc de s'accrocher donc à ses ordres, à s'y attacher donc, à respecter ses ordres, et à s'éloigner de ses interdits, à les délaisser. Et avoir le cœur donc lié à Allah subhanahu wa ta'ala. Également, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Et quiconque fait scission d'avec le messager après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûlerons dans l'enfer, et quelle mauvaise destination. L'argumentation par ce verset a été mentionnée par l'érudit Ibn Qudama dans The Mutawil, lorsqu'il a dit que celui qui aimerait être avec les prédécesseurs dans l'au-delà, et que lui soit promis ce qu'il a été promis comme paradis et agrément, les suive donc avec bienfaisance. Quant à celui qui suit autre que leur chemin, il sera alors inclus dans la généralité de la parole d'Allah, que nous venons donc de réciter. Puis il cita ce verset de la sourate Les Femmes. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer, et quelle mauvaise destination. Ibn Qudama a également consacré un chapitre dans le même livre où il dit, deuxième chapitre concernant l'obligation de les suivre, savoir donc les compagnons, et l'incitation à rester fidèles à leur voie, et à emprunter leur chemin, et l'éclaircissement de cela inspiré du livre et de la sunna, et des paroles des imams. Ensuite, il mentionna parmi les preuves coraniques la verset de Sourate les Femmes, donc, que nous venons de réciter. Puis il dit, il a donc annoncé que la menace pesant sur le suivi d'un autre que leur chemin est le châtiment de la géhenne, tandis qu'il a promis son agrément ainsi que le paradis à celui qui les aura suivis, et ce lorsqu'il dit « وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Les tout premiers parmi les émigrés, les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans l'excellence, Allah les agrée et il l'agrée, il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Il aura donc annoncé son agrément, son paradis et l'immense réussite. Également, donc, parmi les preuves, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le célèbre hadith de l'Irbad ibn Sariya, radiallahu anhu, dans lequel le prophète a dit, je vous recommande donc ma sunnah et la sunnah des califes bien guidés, mordez-y à pleines dents et méfiez-vous des choses nouvelles car toute innovation est un égarement. Et ce hadith a été rapporté par les auteurs des sunan, à savoir Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah, et également par l'imam Ahmed dans son Musnad, ainsi que Ibn Hibban dans As-Sahih, donc le Sahih d'Ibn Hibban. Et c'est un hadith qui est authentique. L'imam Ibn al-Qayyim disait, le commentant, comme c'est le cas donc dans I'lam al-Muwaqqi'in, il a donc fait le rapprochement entre la sunna de ses califes et la sienne. Puisqu'il a dit, je vous recommande donc ma sunna et la sunna des califes bien guidés. Donc, en apparence, ce sont deux sunnas. Puis il dit, mordez-y. Donc, ça renvoie à une seule chose. En arabe, surtout, on s'en rend compte, ça renvoie à une seule chose. Addu alayha. Donc, il a fait le rapprochement entre la sunna de ses califes et la sienne. Et il ordonna de la suivre comme il le fit pour la sienne. Plus même encore, puisqu'il ordonna d'y mordre à pleines dents, et cela concerne à la fois leurs fatwas, donc les fatwas de ses compagnons, et ce qu'ils ont instauré pour la communauté. Donc, le premier temps, donc les califes bien guidés. L'imam Ibn Qudama a dit dans Dhamm al-Ta'wil, il a donc ordonné de s'accrocher à la sunna des califes bien guidés, de la même manière qu'il a ordonné de s'accrocher à sa sunna. Et il a informé que les choses nouvellement inventées sont des innovations et de l'égarement. Et c'est ce dans quoi ni le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ni la sunna de ses compagnons n'ont été suivis. C'est-à-dire donc ces choses nouvellement inventées, ces innovations, ces égarements. Ce sont des choses dans lesquelles ni le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ni ses compagnons n'ont été suivis. Pour terminer ce quatrième point, il y a deux textes très importants à mentionner donc dans ce sujet. Le premier, c'est ce qu'a dit l'imam Uthman ibn Sa'id al-Darimi dans son livre Al-Radd ala al-Jahmiyya. Al-Radd ala al-Jahmiyya. En réfutant la parole de certains d'entre eux dans le sujet de la vision d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc dans le fait que ils ont nié que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Et ils ont donc rejeté les différents textes qui faisaient mention de cela. Et ils ont dit, nous n'acceptons pas ces récits, ni ne les considérons comme arguments. Ad-Darimi a dit, je dis, vous n'acceptez même pas le livre d'Allah. Voyez-vous, si vous ne les acceptez pas, donc c'est-à-dire ces récits, douteriez-vous qu'ils se sont rapportés des prédécesseurs et qu'ils les tiennent des plus éminentes et instruites personnes, génération après génération? Ils diront non. Ils ne peuvent pas dire autrement. Ils diront non. Nous dirons alors, le fait que vous attestiez de cela contre vous nous suffit donc comme argument prouvant qu'ils sont connus et rapportés, c'est-à-dire ces récits, et qui n'ont cessé d'être mentionnés par les ulama et les jurisconsultes. Donc les jurisconsultes, donc les fuqaha, les savants du fiqh. Apportez-nous donc leur équivalent de preuve, appuyant votre prétention par laquelle vous rejetez ces récits, et vous ne pourrez en vérité venir avec. Vous saurez donc, si Allah le veut, que le récit prophétique, ceux de ses compagnons, ainsi que leurs règles et anecdotes ne peuvent être remises en cause que par ces mêmes récits et chaînes de transmission, avec ce qu'ils contiennent comme variantes. C'est-à-dire que chaque, comme vous le savez, les hadiths, ils ont parfois rapporté ça dans différents termes. Parfois, on peut trouver donc certaines variantes à ces hadiths, avec ce qu'ils contiennent comme variantes. Et ils constituent la seule voie vers ce but. Et c'est celle qui fut empruntée par les musulmans. ils sont leurs imams dans leur religion après le livre d'Allah, donc c'est-à-dire ces textes-là de la sunna, ces hadiths, et c'est d'eux qu'ils puisent leur science, par eux qu'ils émettent leur jugement et établissent leur peine, et c'est sur eux qu'ils se basent. En vérité, ils sont leurs parures par lesquelles ils s'en bénissent. Ils les héritent les uns des autres, et le présent parmi eux les transmet à l'absent, argumentant avec et recherchant par cela la récompense d'Allah. Ils les appellent les sunan et les athar, le fiqh et la science. Ils voyagent d'Orient en Occident à leur recherche. Par eux, ils rendent licite ce qu'Allah a rendu licite, et illicite ce qu'il a considéré illicite. Ils différencient le vrai du faux, ce qui fait partie de la sunna, de ce qui fait partie de l'innovation. Ils y puisent également l'essence du livre d'Allah et ses règles. Et c'est par leur biais, donc toujours par le biais de ces récits prophétiques et des récits des compagnons et de leurs anecdotes, qu'ils connaissent l'égarement de celui qui s'éloigne de la guidée. En effet, celui qui s'en détourne s'est certes détourné des traces des pieux prédécesseurs et de leur voie, et a cherché à en déroger afin de prendre sa passion religion et d'interpréter à sa guise le livre d'Allah, contrairement au sens voulu par lui, c'est-à-dire par Allah. Si vous êtes donc du nombre des croyants, donc toujours il s'adresse à ces Jahmiyyah, dans sa réfutation qu'il leur a faite. Si vous êtes donc du nombre des croyants, et que vous suivez la voie de leurs ancêtres, recherchez la science parmi le patrimoine qu'ils ont laissé, et la guidez sur sa propre voie. Acceptez-le comme imam, de la même manière qu'ils l'ont fait, car par ma vie, vous n'êtes ni plus savant qu'eux dans le livre d'Allah, ni ne les égalez. Donc ici, il a dit par ma vie, ça nécessite peut-être certaines recherches pour savoir si il est vraiment licite et permis religieusement de dire ce type d'expression-là. Ça nécessite donc de plus amples recherches. Wallahu a'lam. Donc j'attire juste votre attention vers cette chose-là et vous incite donc à chercher et à vous renseigner de votre côté. Car par ma vie, donc, il a dit, vous n'êtes ni plus savants qu'eux dans le livre d'Allah, ni ne les égalez. Et il n'est pas possible de les suivre sans suivre ces traces qu'ils ont laissées, comme ils ont été rapportées. Quant à celui qui ne les accepte pas, il cherche certes à suivre autre que le chemin des croyants. Or, Allah a dit, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et quiconque fait scission avec le messager, après que le droit chemin lui soit apparu, et suit un chemin autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer, et quelle mauvaise destination. Donc c'est ainsi que se termine la parole de l'imam Ad-Darimi, rahimahullah. Également, l'imam Ibn Qudama a dit dans Dhamut Ta'wil, que l'on a déjà mentionné, il a dit, l'obligation de suivre les salafs est établie par le livre, la sunna et le consensus, al-ijma'. Le raisonnement logique l'appuie aussi, al-qiyas. Et ce, car ils ont soit vu juste, soit se sont trompés. Donc il n'y a pas d'autre solution. Ces pieux prédécesseurs, soit ils ont vu juste dans la voie qu'ils ont suivie, soit ils se sont trompés. S'ils ont vu juste, alors leur suivi est obligatoire, car suivre la vérité l'est. Suivre la vérité, c'est obligatoire. Donc s'ils ont vu juste, il est obligatoire de les suivre. Tandis que suivre le faux dans la croyance est interdit. Et s'ils ont vu juste, c'est qu'ils sont sur le droit chemin. Et que ceux qui divergent avec eux suivent le chemin de Satan qui ne fait que guider vers le chemin de l'enfer. Or Allah a ordonné de suivre son chemin et sa voie et a interdit de suivre autre qu'eux. Et ce, lorsqu'il a dit وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Et certes, ceci est mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint. Ainsi atteindriez-vous la piété. Et si quelqu'un prétend, donc, l'imam Ibn Qudama de continuer, et si quelqu'un prétend qu'il se sent trompé, Alors il a porté atteinte à l'islam même, à l'islam lui-même. Car s'il est concevable qu'il se soit trompé dans ce domaine, alors il est tout autant dans l'ensemble des domaines de la religion. Il ne conviendrait alors pas de mentionner les informations qu'ils ont rapportées, ni d'affirmer les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils ont transmis. Et c'est ainsi que la transmission devient vaine et que se perd la législation islamique. Et il n'est permis à aucun musulman de prononcer ou même de croire cette chose-là. C'est ainsi que se termine la parole de Ibn Qudam. Et le Cheikh Abdallah al-Bukhari de dire, et comme je l'ai dit, les preuves sont nombreuses. Quant au fait de s'affilier à sa voie, donc là on a vu le statut religieux, la valeur religieuse, le jugement religieux du fait de suivre les salafs, on a vu que c'était obligatoire. Quant au fait de s'y affilier, donc de se réclamer, de dire, voilà, je suis cette voie-là. Tu t'es certes rendu compte que leur suivi est obligatoire et qu'il n'y a pas moyen d'y déroger. Le fait de s'y affilier est donc un honneur pour toi. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait à ce sujet: point de reproche à celui qui aura mis en évidence la voie des salafs et s'y sera affilié et référé. Il est même obligatoire d'accepter cela de sa part, car cette voie n'est que vérité. Donc quiconque s'affilie, se réfère à cette voie qui est la voie des salafs, des pieux prédécesseurs, à Salafiyya, il nous est obligatoire d'accepter cela de sa part, car cette voie n'est que vérité. Donc bien sûr, on est en train de parler de celui qui s'y affilie à juste titre, en suivant comme nous allons le voir, Inch'Allah. Le shir de continuer, suite à la parole donc de Ibn Taymiyyah, en disant: et si tu observes attentivement, toi le bien guidé, les recommandations des imams, tu trouveras qu'ils recommandent le suivi de la voie des pieux prédécesseurs, et ils réprouvent le fait de s'en écarter. Parmi elles, donc parmi ces recommandations, l'imam al-Awza'i, l'imam des gens du Shem, a dit, comme cela a été rapporté dans Al-Shari'a d'Al-Ajurri, ainsi que dans d'autres ouvrages: endure sur le chemin de la Sunna et arrête-toi là où se sont arrêtés ceux qui t'ont précédé, et prononce-toi par ceux qu'ils se sont prononcés, et abstiens-toi dans ceux dont ils se sont abstenus, et emprunte le chemin de tes pieux prédécesseurs, car ce qui leur convenait te convient également. Il a également dit, comme ça a également été rapporté dans Sharia de Al-Ajurri, et également dans Sharaf Ashab al-Hadith, Al-Khatib al-Baghdadi, et c'est authentique: suis les traces des salafs, même si les gens te rejettent, et méfie-toi des avis des hommes, et ce, même s'ils te les embellissent par la parole, car lorsque l'affaire s'éclaircira, tu seras sur une voie de droiture. Également, ce qu'a dit l'imam Abu Ismail al-Sabouni dans Aqidat al-Salaf ou Ashab al-Hadith. Et ils suivent l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc les salaf et les gens du hadith. Et ils suivent l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons qui sont comme les étoiles, donc ils les ont comparés aux étoiles. Et ils suivent également l'exemple des pieux prédécesseurs parmi les imams de la religion et les ulama des musulmans. Et ils s'accrochent à ce sur quoi ils étaient accrochés comme religion forte et vérité évidente. L'imam Al-Barbahari a dit dans Sharh Sunnah: et le fondement sur lequel on se base est le groupe Al-Jama'a, qui n'est autre que les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils sont les gens de la Sunnah et du groupe, qu'on avait traduit précédemment par les gens de la Sunnah et de l'unité. Celui qui ne prend pas d'eux s'est donc égaré et a innové, et toute innovation est un égarement. Puis le shir de dire, suite à ces quelques paroles et recommandations des imams, parmi les imams des musulmans, comme l'imam al-Awza'i, Sabouni, al-Barbahari, puis il a dit: je clôturerai le sujet par une belle et forte parole de notre shir, l'érudit Zayd ibn Hadi al-Madkhali, Hafizahullah, qu'Allah le préserve, qui donna en réponse à une longue question qui débuta par « Certains disent, pourquoi nous appelons-nous par la Salafiyya et pas par la Muhammadiyya ?» En allusion au messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Salafiyya, donc c'est le fait de s'attribuer au Salaf. Salafiyya, attribution au Salaf. Al-Muhammadiyya, ça serait donc l'attribution à Muhammad, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en allusion au messager sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à donc la fin de sa question, qui, comme l'a dit le Shir, est une question qui est longue, mais voilà sur quoi elle portait. Il répondit donc, le Shir Zayd, Hafidahullah, qu'Allah le préserve, en disant, nous lui disons, c'est-à-dire donc au questionneur, le reproche que tu adresses à celui qui met en évidence la voie des pieux prédécesseurs et s'y est référé est nul. Donc ce reproche est nul. Et ce qui t'a poussé à faire ce reproche est soit ton énorme ignorance de ce qu'est la salafie authentique et de qui sont les salafis qui porte le livre et la sunna parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de ceux qui étaient sur leur voie parmi les imams de la science et de la prédication, parmi les générations privilégiées dont la supériorité a été attestée. Et nous avons vu donc, dans cette conférence quelques hadiths, notamment celui d'Ibn Mas'ud et de Aïcha, à ce sujet, donc, au sujet de la supériorité donc, des trois premières générations de l'islam. Le shir donc de dire... Ou alors tu cherches à faire croire aux étudiants en sciences religieuses que la Salafiyya n'est qu'un groupe ou une organisation créée par Mohammed ibn Abdel Wahhab qu'il convient d'éloigner et à laquelle il n'est pas permis de s'affilier. Et la vérité est qu'il n'est permis à personne de donner tort à celui qui s'attribue au Salaf et à la Salafiyya. Ainsi, il n'est pas correct de critiquer celui qui dit « je suis Salafi » ou « ma croyance est la Salafiyya ». Il est plutôt obligatoire d'accepter cela de lui selon l'unanimité des savants, pédagogues, donc Rabbaniyin. Savants pédagogues, donc les Rabbaniyoun, ce sont ceux, comme l'a dit Ibn Abbas, qui enseignent aux gens les bases de la science religieuse avant de leur enseigner les points plus compliqués. Donc, selon l'unanimité des savants, pédagogues et de leurs élèves. Et cela car la voix des salafs ne peut être que vérité. Et donc, on retrouve ici, en d'autres termes, la parole que nous avons déjà lue de Ibn Taymiyyah. Et la salafie, qui est une attribution nominative aux salafs, est une appellation qui, à aucun moment, ne fut distincte de la communauté islamique. Elle en est plutôt le summum. Et elle est différente des autres affiliations, telles que celles aux groupes et organisations sectaires, telles que le parti Ikhwani, donc le parti des frères musulmans, qui se sont eux-mêmes appelés frères musulmans, et le groupe d'établir, et celles qui sont de leur acabit, parmi celles dont leurs voix ont déjà été évoquées. Quant à la parole de cet opposant à la croyance salafite et à ses adeptes salafis, lorsqu'il a dit « Pourquoi n'est-il pas dit Al-Muhammadiyya ?» nous disons « C'est une ruse de sa part envers les gens du même genre que ce qui a pu être cité auparavant. » Et il est dit de la communauté tout entière qu'elle est Muhammadiyya. Donc elle s'affilie donc à Mohammed, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en est son prophète. Or, elle est de deux sortes, la communauté du prêche et la communauté d'acceptation. La communauté du prêche, c'est l'ensemble de ceux à qui a été dédié le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tous ceux à qui ce message-là leur est parvenu. Tandis que la communauté d'acceptation, donc, c'est la communauté qui a répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette dernière s'est divisée en 73 parties. Tous sont en enfer sauf un. Et c'est celui qui est sur ce sur quoi était le noble prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu anhum, qu'Allah les agrée. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont donc les salafs et celui qui vient après eux emprunte leur voie et suit leurs traces. Il est compté donc parmi eux. Et il est dit de lui qu'il est salafi et que sa croyance est salafite. Donc, en attribution, en affiliation à ces salafs à qui il se réfère. Et c'est ainsi donc que se termine la parole du Shir Zayd ibn Hadi al-Madkhali dans Al-Ajwibatul Athariya Anil Masail al-Manhajiyya. Cheikh al-Bukhari de dire et de clôturer donc ce chapitre en disant « Enfin, je te conseille, cher bien-aimé, de consulter les livres de la Sunna, car tu y trouveras d'innombrables textes qui confirment ce que je viens de rappeler. Comme recommandation de l'attachement au chemin des salafs et de la mise en garde du fait de s'en détourner, et c'est Allah qui accorde la réussite. » Cinquième point, après avoir établi qu'il est obligatoire de suivre la voie des salafs, as-salafiyya, et également de s'y affilier, et d'accepter cela de celui qui s'y affilie, on va aborder donc le mérite du suivi de la salafiyya et des salafs. Celui qui s'attellera à suivre véritablement la salafiyya authentique, c'est-à-dire la voie des salafs avec véracité, aura obtenu le bien dans sa totalité ainsi qu'une immense récompense, car il aura suivi la guidée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ses mérites et vertus, il y a premièrement le fait que l'individu qui aura accompli cela aura en réalité suivi l'ordre divin. Chose qu'Allah aime et agrée. Et ce étant donné que l'adoration est un nom générique, englobant tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et actes apparents et cachés, comme c'est connu. À partir de là, celui donc qui aura suivi les ordres que l'on a pu mentionner précédemment concernant l'obligation de suivre les pieux prédécesseurs, aura suivi l'ordre d'Allah. Et celui qui aura fait cela sera aimé d'Allah, car il aura suivi sa législation. Deuxièmement donc, deuxième point parmi ses mérites et vertus, celui qui s'y sera attaché aura obtenu la guidée ainsi que le salut contre le détournement et l'égarement. Et ceci est également une chose claire que prouve ce qu'a rapporté Jabir dans le recueil authentique de Muslim comme parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du pèlerinage d'adieu, « Je vous ai laissé ce avec quoi vous ne vous égarerez pas tant que vous y serez cramponné, le livre d'Allah. » Le shir de poser la question en disant « Qu'y a-t-il dans le livre d'Allah ?» L'ordre, la réponse c'est qu'il y a l'ordre de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les pieux prédécesseurs. Et nous avons pu en voir les preuves précédemment. Et parmi elles également la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et évoque Allah fréquemment. L'imam Ibn Kathir a dit lors du commentaire de ce verset, donc dans son exégèse, ce verset est une preuve fondamentale de l'obligation de se conformer au modèle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ses paroles, ses actes et son comportement. Aussi, Allah ordonne aux gens de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour exemple dans son attitude lors du siège des coalisés, lorsqu'il s'est armé de patience et a défendu Médine contre toute incursion ennemie avec zèle et espoir en la délivrance de son Seigneur. Donc on voit dans ce verset, on voit dans son explication l'importance encore une fois et le mérite et la vertu qu'il y a dans le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la voie des pieux prédécesseurs. Et surtout donc là, dans l'occurrence, donc, la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième point, troisième mérite, troisième vertu, celui qui s'y attachera obtiendra la sûreté et la protection du danger de la divergence et de la dissension réprouvée. Les textes des deux révélations, donc les deux révélations, à savoir le Coran et la Sunna, incitent au fait de se réunir et d'être en accord sur la vérité, par la vérité et pour la vérité. Donc tu dois être en accord, nous devons être en accord sur la vérité. Donc, être unanime, être en accord sur cette chose-là, en suivant la voie de la vérité, et également en visant la vérité et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Et il a également dit: وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. Et ne soyez pas du nombre des polythéistes parmi ceux qui se sont divisés et étaient des partis. Et il est mentionné dans le hadith de l'Irbad, qu'on en a déjà cité tout à l'heure, radiallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wasalam a dit: car celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Et là, c'est comme si les compagnons avaient dit: comment se préserver au messager d'Allah face à ces divergences? Il leur répondit en disant: je vous recommande donc ma sunna ainsi que celle de mes califes bien guidés. Et nous allons donner un aperçu, si Allah le permet, lorsque nous aborderons les traits caractéristiques de cette voie bénie. Donc, le fait de suivre cette voie-là permet d'obtenir la sûreté et la protection du danger, de la divergence et de la dissension qui sont réprouvées. L'imam al-Baghawi a dit dans Sharh al-Sunnah: allusion est faite à l'apparition des innovations et des passions. Et Allah est plus savant. Il ordonna donc de rester fidèle à la Sunnah et à la Sunnah des califes bien guidés et de s'y accrocher de la plus forte des manières en s'écartant de ce qui est nouvellement inventé, la contredisant. Quatrième mérite, quatrième vertu dans le suivi de cette voie, la libération des chemins sataniques. L'imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi disait dans son livre As-Sunnah, au début donc de son livre, il a dit: Allah a dit: wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Et certes, ceci est mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qui vous enjoint. Allah a informé, donc, que sa voie est unique et droite. Et que les chemins sont nombreux à l'obstruer, à quiconque les aura suivis à son détriment. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a éclairci cela par sa sunnah. Puis il mentionna la chaîne de transmission du hadith de Abdullah ibn Mas'ud, rapportée entre autres par l'imam Ahmed, et qui est authentique. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, traça un trait. Un long trait, et dit: ceci est le chemin d'Allah. Puis il traça de part et d'autre de ce dernier plusieurs traits. Et il dit: et ceux-ci sont des chemins, sur chacun d'eux un démon qui y appelle. Donc un long trait, c'est le chemin d'Allah, et plusieurs petits traits de part et d'autre de ce long trait, qui sont ces chemins et ces sentiers qui ont été mentionnés dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il récita le verset donc en disant: wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabili. Et certes, ceci est mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. » Après cela, donc, Ibn Qudama énuméra certaines versions du hadith, certaines variantes, et dit « Allah, puis son messager, nous ont donc mis en garde des choses nouvellement inventées et des passions qui obstruent le suivi de son commandement et de la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. » Fin de citation. Cheikh al-Bukhari de continuer en disant, et ce hadith prouve clairement que celui qui s'accroche à la voie prophétique sera à l'abri du piège des voies sataniques et des chemins de son égarement. Quant à celui qui s'éloigne du chemin des croyants, il tombera certes dans les filets de Satan, et c'est d'Allah que nous demandons la protection. L'imam Ibn al-Qayyim a dit dans son livre Al-Fawa'id, livre qui a été traduit en français aux éditions Tauba, sous le titre Les Méditations, Wallahu A'lam, il a dit, lorsque les gens se sont détournés de l'application du livre et de la sunna, et qu'ils ont cessé de les prendre pour juges, et lorsqu'ils ont considéré qu'il ne suffisait pas de se limiter à eux, et se sont tournés vers les avis et le raisonnement logique, ainsi que les estimations personnelles et les paroles de leurs leaders, leur nature première a été altérée. Leur cœur assombri, leur intelligence et raison atteintes. En somme, ces choses les ont aveuglés et vaincus à tel point que les jeunes grandirent avec, donc avec ces, avec cette chose-là, donc avec cette nature première altérée, et que les vieux y finirent leurs jours sans pour autant se rendre compte qu'elles étaient blâmables. C'est-à-dire toutes ces choses-là qu'ils avaient commises du fait donc de l'altération de leur nature première, ils ont grandi avec et ils ont fini leur jour avec, sans pour autant se rendre compte qu'elles étaient blâmables. Puis un autre état prit le pouvoir et fit succéder les innovations aux traditions prophétiques, l'intérêt personnel à la raison, la passion à la lucidité, l'égarement à la guidée, le blâmable au convenable, l'ignorance à la science, l'ostentation à la sincérité, le faux au vrai, le mensonge à la véracité, la complaisance trompeuse au conseil mutuel et sincère, l'injustice à la justice. Ainsi cet état se dressa alors que ces turpitudes y étaient ancrées et que ceux qui les commettaient étaient ceux qui étaient les plus considérés et appréciés. Quant à toi, donc là, cette fois, après avoir narré ces choses-là, raconté ces choses-là passées, de quelles nous devons tirer donc beaucoup d'enseignements, il a dit, quant à toi, si tu vois une contrée sur laquelle ces menaces pèsent, tout ce que nous venons de mentionner, innovation, intérêt personnel, passion, égarement, blâmable, ignorance, ostentation, faux, mensonge, complaisance trompeuse, injustice, etc. Si tu vois une contrée sur laquelle ces menaces pèsent et que l'étendard de ces dernières a été dressé ou a été dressé et que leurs armées ont été lancées, sache alors que ce qui est sous terre est préférable à ce qui en est apparent, et que les hauteurs des montagnes sont mieux que les vastes étendues, et que la compagnie des animaux sauvages est plus sûre que celle des hommes. Cinquième point, après donc cette parole d'Ibn al-Qayyim, dans lequel il a été assez fort donc dans sa manière de s'exprimer, afin de montrer la gravité de ces choses-là et l'importance de chercher le salut et de le faire prévaloir sur toute autre chose. Il a dit donc dans ce cinquième point, qui correspond donc au cinquième mérite et vertu, à la cinquième vertu dans le fait de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des pieux prédécesseurs. Il a dit que celui qui s'y attache bénéficie de la récompense de celui qui le suit. L'imam Muslim a rapporté d'après Jarir ibn Abdillah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui revivifie dans l'islam une bonne sunna aura sa récompense et les récompenses de ceux qui œuvreront par elle, sans que cela ne diminue quoi que ce soit de leur récompense. Ce hadith met en évidence la grande récompense de celui qui fait revivre la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons radiyallahu anhum, qu'Allah les agrée, et des pieux prédécesseurs de cette communauté, et la propage parmi la masse, et qui aura été suivi dans cela. Il obtiendra donc la récompense de celui qui l'aura suivi, sans que la récompense de ce dernier ne diminue. Naam. L'érudit Nawawi a dit dans Sharh Muslim, donc le commentaire du recueil authentique de hadith écrit par l'imam Muslim, il s'y trouve, c'est-à-dire dans ce hadith, l'incitation au fait de devancer dans l'accomplissement du bien et de revivifier les bonnes sunnas, ainsi que la mise en garde d'inventer des choses viles et mauvaises. Sixième point, sixième vertu, sixième mérite, celui qui s'y attache obtiendra le bonheur dans les deux demeures. Et la cause de ce bonheur est qu'il s'est plié à l'ordre d'Allah et s'y est soumis, ainsi qu'à l'ordre de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement à celui à qui Allah a adressé la menace suivante: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Qu'en est-il donc de celui qui s'est accroché à la sunna? S'en est-il détourné ou en est-il suiveur? Celui qui s'y attache est suiveur et ne s'est pas détourné. Il est plutôt de ceux qui se rappellent Allah et suivent son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que les délices éternels lui sont permis, de même qu'une large récompense. Allah a dit: Tilka hududullah, wa man yuti'illah wa rasulahu, yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, khalidina fiha, wa dhalika al-fawzul azim. Telles sont les limites établies par Allah. Et quiconque obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite. Il a dit également: فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager. Si vous croyez à Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux et de meilleurs aboutissements. L'imam Ibn al-Qayyim disait dans son livre Tabouqiyya, dans son livre At-Tabouqiyya, en commentaire de ce verset: cela prouve que l'obéissance à Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, et que le fait de les considérer comme décisionnaires, sont la cause du bonheur dans l'immédiat et l'avenir. Donc dans l'immédiat, dans cette vie d'ici-bas, et dans l'avenir, dans l'au-delà. Et quiconque analysera la situation du monde et les turpitudes qui s'y trouvent saura que la cause de tout mal sur terre a pour source la désobéissance au messager sallallahu alayhi wa sallam et le délaissement de son obéissance, tandis que tout bien qui s'y trouve a pour origine l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même concernant les tourments de l'au-delà, ses affres et son châtiment, ils ne sont que les conséquences de la dérogation à son obéissance. Ainsi le mal d'ici-bas et de l'au-delà revient à la contradiction du messager sallallahu alayhi wa sallam et ce qui en résulte. Et si les gens avaient obéi au messager sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit, il n'y aurait aucun mal sur terre. Et de la même façon que cela est vrai concernant les maux et catastrophes C'est le cas pour tout mal, douleur ou affliction que subit l'être humain dans sa propre personne. Car cela n'a pour cause que sa dérogation au suivi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Cela, étant donné que son obéissance constitue la forteresse dans laquelle quiconque s'introduit est en sûreté, et l'antre où celui qui s'y réfugie est sauvé. On comprend donc que les mots de ce bas monde et du jour dernier sont issus de l'ignorance de ce avec quoi est venu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et l'infraction faite à cela. Et tout cela est une démonstration flagrante et évidente, prouvant que le serviteur ne connaîtra ni le secours, ni la félicité, si ce n'est par l'assiduité à l'apprentissage de cela, ainsi que sa mise en pratique. Fin de citation d'Ibn al-Qayyim. Cependant, il est un point important à soulever et un rappel. Et le rappel profite aux croyants. Et ce point important-là, j'y ai fait allusion tout à l'heure et je l'ai brièvement annoncé. Il est de savoir que ce ne sont pas tous ceux qui prétendent la salafia qui sont véridiques. Et ceci, mes bien-aimés, n'est pas du repli sur soi. Donc c'est pas parce qu'on veut être replié sur nous-mêmes ou exclure les gens. Par Allah, non, ce n'est pas cela. Mais celui qui s'en réclame se doit d'œuvrer par ce qu'implique cette noble appellation. Tel qu'être fidèle à la voie droite. Je dis cela car nous voyons et entendons ceux qui s'affilient faussement à la salafie, alors qu'ils en sont à l'opposé. Et ce, que ce soit dans la voie, dans les fondements et les ramifications. Et parmi les choses surprenantes, l'utilisation que font certains menteurs d'un certain nombre d'appellations trompeuses pour dénigrer ce noble nom tel que, donc parmi les appellations trompeuses qu'ils utilisent, la salafia djihadiste, la salafia scientifique, le groupe salafiste de la prédication et du combat, et autres appellations en dérivant, qui sont toutes des symboles appartenant aux adeptes des passions et des innovations, l'un emboîtant le pas de l'autre. Et si je peux me permettre une petite parenthèse, donc il y a certes, comme le dit le Shir, ces groupes-là qui s'affinient faussement et se réclament faussement de la salafie, et il y a également les ennemis de l'islam, déclarés, les mécréants, dans les journaux, dans les médias, qui volontairement sèment la confusion dans l'esprit des gens et appellent toute personne qui viendrait à commettre des actes répréhensibles à l'échelle nationale ou internationale à les appeler comme étant des salafiste. Et il sème ainsi la confusion dans l'esprit des auditeurs ou des lecteurs. Et c'est ainsi que cette noble voix est dénigrée. Lorsque certaines personnes commencent à s'y affilier faussement, ou que certaines personnes commencent à dire qu'un tel ou un tel ou tel groupe font partie de cette voie-là, des membres de cette voie-là, ce qui est faux. Donc, d'où l'importance de soulever ce point comme l'a fait le Shir. Hafidhah Allah, qu'Allah le préserve. Donc, ce ne sont pas tous ceux qui prétendent à la salafia qui sont véridiques. Et donc, on y rajoute, et ce ne sont pas tous ceux de qui les médias prétendent qu'ils sont salafis qui le sont réellement. Puis le Shir a cité une parole de l'imam al-Hassan al-Basri, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui disait « Ô fils d'Adam, ne sois pas trompé par la parole de celui qui dit « L'homme est avec celui qu'il aime ». Le Shir donc de dire, à marge de cette parole de al-Hassan al-Basri, ceci est une partie d'un hadith unanimement reconnu authentique. Cependant, certaines personnes le prennent comme argument tout en contredisant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ses paroles et actes, voire dans sa croyance. si tu cherches bien. Et si ce qui est visé par l'imam al-Hassan al-Basri, rahimahullah, dans cette parole-là, donc il n'est pas en train de dire que de remettre en question le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il est en train de remettre en question et de condamner l'utilisation que certains en font et la compréhension que certains en ont. Ne sois pas trompé par la parole de celui qui dit « L'homme est avec celui qu'il aime. » Car quiconque aime un peuple suit leurs traces. Et tu ne t'allieras aux bons, aux vertueux, que lorsque tu auras suivi leurs traces. Et que tu te seras inspiré de leur guider. Et que tu auras pris exemple de leur voix. Et que tu n'atteignes le matin et le soir qu'en étant sur cela. Et que motivé à l'idée d'être parmi eux, tu empruntes leur chemin. Et ce, même si tu es déficient, car l'important dans l'affaire est que tu sois sur la droiture. N'as-tu pas vu les juifs et les chrétiens et les adeptes des passions viles aimer leurs prophètes? Les juifs et les chrétiens ne prétendent-ils pas cela? De même que les adeptes donc des passions ne prétendent-ils pas aimer leurs prophètes? N'as-tu pas vu les juifs et les chrétiens, les gens, les adeptes des passions viles, aimer leurs prophètes et ne pas être avec eux? Cela parce qu'ils les ont contredits dans la parole et l'acte qu'ils ont suivi autre que leur voix. Leur abreuvoir sera donc le feu et qu'Allah nous en préserve. L'imam Ibn al-Qayyim disait, donc c'est ainsi que se termine donc la parole de Al-Hassan al-Basri qui a été rapporté par l'imam al-Safarini dans Sharh Thulathiyat al-Imam Ahmed. L'imam Ibn al-Qayyim disait, lorsque s'est multiplié le nombre de prétendants à l'amour d'Allah, il fut exigé d'eux de prouver la véracité de leurs prétentions. Car s'il était accordé aux gens tout ce qu'ils réclament, l'esprit tranquille prétendrait l'affliction de l'éprouver. Et les prétendants afflueraient lors des requêtes. Il fut donc dit, cette prétention, donc la prétention de l'amour d'Allah, n'est acceptée qu'avec preuve évidente. Cette preuve évidente, elle est mentionnée dans le verset de la sourate Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, « قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهِ » Dis, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Ibn al-Qayyim de dire, tout le monde s'est alors rétracté et ne sont restés fermes que les suiveurs du bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam dans ses paroles, actes et manières. L'imam Abu al-Muzaffar al-Sam'ani disait, de même que le citant al-Suyuti dans Sawn al-Mantiq, car nous a été ordonné le suivi et nous y avons été invités. Et nous a été interdit l'innovation et nous en avons été dissuadés. Or la devise des gens de la Sunna est leur suivi des pieux prédécesseurs et leur délaissement de tout ce qui est nouveau ou inventé. Fin de citation. Donc ce n'est pas tous ceux qui prétendent ou qui brandissent la devise qui sont véridiques. Ibn Taymiyyah disait, nous ne visons pas seulement par les gens du hadith, ceux qui se contentent de l'écouter, l'écrire et le rapporter. Plutôt, nous visons par eux quiconque serait plus à même de le mémoriser, le connaître, le comprendre et l'appliquer, aussi bien dans ce qui est apparent que dans ce qui ne l'est pas. Cela m'amène, donc c'est Cheikh al-Bukhari qui continue, cela m'amène à vous raconter ce qui se passa dans cette ville bénie, la Mecque, qu'Allah l'anoblisse, au début du 14e siècle de l'Égypte, lorsqu'un groupuscule rebelle s'accapara pendant plusieurs jours la maison sacrée d'Allah. La mosquée de la noble Kaaba. Les membres de ce groupuscule rebelle s'étaient faussement autoproclamés salafis. C'est pour cela que notre noble cheikh, le grand savant Mohamed Aman, écrivit dans le mensuel de l'université islamique dont il était le rédacteur en chef, et dit, et le premier constat après ce qui s'est passé est de considérer cela comme une annonce que les troubles sont terminés. Avec tout ce qu'ils auront véhiculé comme tristesse, angoisse et atrocité. Et qu'a pris sa place la réjouissance et la satisfaction. La réjouissance du bienfait d'Allah. Le bienfait d'avoir permis de purifier cette mosquée pure de ce qui s'y est déroulé comme œuvre des adeptes imbéciles de Juhayman. Donc Juhayman qui était donc leur leader et qui les avait entraînés dans cette entreprise, dans ce crime qu'ils ont perpétré vis-à-vis de ce lieu sacré qu'est la mosquée de la Mecque. Et il est un point important auquel il convient d'être attentif. En effet, ces jeunes imbéciles disaient de leur propre personne, dans ce qui m'est parvenu les concernant, qu'ils sont salafis. Quelle énorme parole qui sort de leur bouche. Ils ne font que mentir. Et le fait qu'ils prétendent cela est le résultat d'une de deux choses. Soit ils ne connaissent pas le vrai sens de la salafie, hein, et leur utilisation de ce terme est alors la conséquence de l'ignorance, et il se peut qu'elle soit aggravée. Donc, là, il fait allusion à l'ignorance aggravée, étant donné que l'ignorance, comme l'explique le savant, est de deux sortes, celle qui est légère et celle qui est aggravée. La première consiste à ignorer une chose tout en étant conscient de cela. Tandis que la deuxième, c'est celle qui a été mentionnée par le Shir, consiste à ignorer la chose tout en pensant la connaître. Cette ignorance est donc composée de deux ignorances. Et c'est dans ce sens qu'elle est aggravée. Donc il a dit, et il se peut qu'elle soit aggravée. Deuxième éventualité, soit ils ont visé par là la tromperie et l'égarement, et leur usage est alors le résultat d'une mauvaise intention, afin de porter atteinte à ce nom bien-aimé qui désigne la première génération de cette communauté et ceux qui ont emprunté leur voie. Que le noble lecteur sache donc que les suiveurs de Juhayman ne sont pas salafis et ne sont pas aptes à la prédication. Ce sont plutôt des gens qui se font passer pour des salafis, prétendant la salafie et l'appel à l'islam, alors qu'ils sont loin de l'islam en lui-même. Qu'en est-il du fait d'y appeler ? Qu'en est-il du fait d'y appeler ? Donc c'est une parole importante à mentionner. Qu'a rapporté le shir, donc de son professeur, de son enseignant, de son shir, Mohammed Aman al-Jami, qu'il avait dit donc dans le mensuel de l'université islamique. Et on peut, à partir de cela, comprendre beaucoup de choses parmi ce qui s'est passé ces dernières années. Et de savoir donc, et ça c'est une parenthèse encore une fois que je me permets d'ouvrir, et de savoir donc que tous ces gens-là qui se prétendent de la salafie, sans en faire partie, et qui ternissent l'image, la réputation de cette noble religion qu'est l'islam, de la voie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la voie des pieux prédécesseurs, as-salaf as-salih, ne sont pas des salafis. Et que la salafie est innocente de ces gens-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, que ce soit à l'échelle internationale ou nationale ou locale. Chaque fois que quelqu'un va venir semer le trouble, ils vont venir mettre ça sur le dos de la salafie. Dernièrement, donc, c'était ce qui s'est passé à Toulouse et Montauban, ou encore ce qui s'est passé à Cannes, Sarcelles ou Strasbourg, ou je ne sais où. Et chaque fois que quelqu'un va venir, ils vont dire c'est les salafis, ce sont des salafis. Ensuite, ils vont venir et ils vont diviser, soi-disant, la salafie en plusieurs groupes ou en plusieurs parties, alors que la salafie est unique. Tout ça pour semer la confusion et pour ternir l'image de cette noble voie et pour salir cette noble appellation. et pour salir cette noble appellation. Donc, il est important d'être au courant de cette chose-là et de bien comprendre ce point-là. Barakallahu fikum. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Et on terminera, inshallah, la prochaine fois. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.